Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'été comics. Alors, c'est la version dérivée du débat comics et cet été on va laisser la parole aux éditeurs, aux artistes et on va se mettre en arrière. Et aujourd'hui je vais accueillir Johan qui est créateur de Réflexion Comics. Salut à toi. Ben, merci à toi de te libérer pour ce début de période estivale quand même, on est encore en fin juin. On va commencer simplement. La première question, c'est la question la plus simple pour toutes les interviews, c'est est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Mais alors, moi je m'appelle Johan Boisseau, donc je suis le créateur de la maison d'édition de Réflexion, qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années. Et je fais beaucoup de choses au sein de cette maison d'édition, que ce soit la traduction, le lettrage ou pas mal de négociations en termes de contrats et aussi des événements, puisque c'est moi qui m'occupe aussi de vendre dans les salons et choses comme ça. Voilà. Alors, Réflexion, tu me disais 20 ans, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus ? Parce que bon, c'est vrai que j'en ai acheté du Réflexion il y a quelques temps, mais je ne pensais pas que c'était aussi vieux. Est-ce que tu pourrais me faire un petit historique de ta maison d'édition, s'il te plaît ? Oui, alors Réflexion, ça a commencé effectivement il y a une vingtaine d'années avec une bande de copains. On faisait pas mal les salons genre Angoulême et... On va dire qu'on galérait pas mal entre scénaristes, entre dessinateurs, entre encreurs, etc. Et on s'est dit, ben, à un moment donné, il va falloir peut-être franchir le pas de se dire que, au lieu de chercher à être édité chez des grands éditeurs ou chez des éditeurs qui sont déjà saturés de titres ou de propositions, peut-être à nous de créer quelque chose de nouveau et de créer une structure pour pouvoir promouvoir à la fois des auteurs ou des œuvres qu'on connaît, qu'on aime bien ou qu'on ne connaît pas encore. Et il se trouve qu'il y a 20 ans, on a eu le plaisir de croiser un auteur et son agent. L'auteur, c'était James Hobart, donc le créateur de The Crow. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec un bouquin qui s'appelait The French Crow, qui était non pas une adaptation de quoi que ce soit, mais des vraies créations autour du personnage, autour de l'univers. On faisait travailler des auteurs, on travaillait ensemble, on travaillait entre auteurs français, francophones, voilà. Et on a fait cinq volumes de ce truc-là. Et par extension, on s'est dit, ben, pourquoi pas aller plus loin, pourquoi pas pousser. Et du coup, on a commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait en termes de licence, puisque ça ne suffisait pas en fait, de ne faire que de la création. On n'arrivait pas à générer suffisamment de ressources pour continuer à lancer de nouveaux projets, ça n'allait pas assez vite. Et on s'est dit, ben on va un peu scinder en deux, on va partager entre les nouveaux projets, les créations, et pourquoi pas traduire, acheter des licences et les traduire de manière à les faire connaître. C'est ce qu'on a fait avec Razor il y a maintenant une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années même. Et il y a 5-6 ans, vraiment, ça a pris une autre dimension, ça a pris une autre vitesse. Il y a eu un petit déclic, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais on a eu des propositions d'autres licences et on est arrivé à avoir Judge Dredd, à avoir Escape from New York, à avoir des gros trucs comme ça qui nous tombent dessus avec des propositions intéressantes et on s'est dit banco, on s'est dit on y va. Et depuis, ben, ça file à 100 à l'heure, quoi. Voilà. Alors, juste par curiosité, est-ce que tu peux un peu plus nous parler de cette histoire d'avoir des licences ? Tu te pointes, tu envoies une image chez IDW et tu dis bon, ben, j'aimerais bien avoir, je sais pas, du Star Trek ou autre. Et après, ils te donnent le tarif et tu signes. Ça se passe comme ça ou c'est un peu plus, il y a un peu plus de négociation ? Alors, il y a un peu plus de négociation, oui. Parfois, ça peut se passer comme ça. Ça peut aller très vite. Sur des licences qui ne sont pas encore prises depuis longtemps. Tu parles de Star Trek. La licence de Star Trek, ça peut aller assez vite dans la mesure où ce n'est pas une licence qui est très, très forte en France. Je sais que Delcourt a essayé en la sortie. Je sais que d'autres en ont sorti. Moi, j'adore. Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je pourrais miser à l'heure actuelle parce que en France, on n'est pas super méga client pour du Star Trek. Donc ça, c'est des licences, oui, où on envoie un petit mail, on a un retour avec, avec des questions par rapport au tirage, à ce qu'on veut faire, au prix de vente, etc., à la distribution aussi. Et suite à ça, ils nous font une proposition. Voilà. Après, pour d'autres licences, effectivement, on renégocie les propositions, on refait des échanges de mails. Ça va bien sûr plus vite quand on connaît les personnes de Visu. Tout ne peut pas forcément se passer par mail. Alors, pour certaines boîtes, ça s'est fait que par mail. Pour d'autres, on a rencontré les gens, on a été les voir, que ce soit en France ou à l'étranger, de manière à un peu renforcer les liens entre les différentes structures. Et parfois, c'est aussi un gros coup de bol. Voilà. Donc, c'est vraiment très aléatoire. Moi, il y a des licences que je ne comptais pas du tout avoir. Je pense à Dread, par exemple, où on y a été effectivement un petit peu en mode « Allez, on tente ça, on sait qu'on va se faire jeter, mais ce n'est pas grave. » Et au final, non. Ça s'est plutôt super bien passé. Ou Dynamite aussi, que je n'avais pas encore rencontré. Où les gars ont vraiment été très très pro et très ouverts à vraiment bosser avec des structures étrangères qu'ils ne connaissaient pas encore. D'accord. Et donc tu achètes la licence et après comment se passe le processus? En combien de temps, on va dire, tu t'achètes une licence, en combien de temps tu peux nous le sortir en France, en français? Alors, donc tu signes le contrat, tu achètes ta licence. Tu reçois des fichiers. Alors, les fichiers, c'est très, très aléatoire. Ça peut être des fichiers qui sont exploitables très rapidement parce qu'ils sont très bien faits et déjà prévus pour être traduits, où les bulles s'effacent, enfin, où le texte s'efface facilement, où les pages sont très retravaillables. Ou tu reçois des fichiers, il faut être honnête, des fois tout pourri, voilà, qui peuvent être des PDF complètement écrasés où il n'y a rien possible de faire. Et quand tu as du texte dans un décor, c'est juste une calamité. Donc, une fois que tu as les fichiers, il y a un gros, gros boulot, déjà en termes d'adaptation pour le texte et aussi d'ajustement, effectivement, pour tout ce qui est format français, qui est un petit peu différent du format américain. Voilà. Donc, il y a plusieurs étapes. Tu as le clinage, tu as le lettrage, enfin, la traduction, pardon, le lettrage, la correction, le montage final, voilà, ça passe par beaucoup de phases un petit peu différentes les unes des autres. Et une fois que tu as fait tout ça, il faut renvoyer effectivement ton bouquin complètement fini à l'éditeur américain qui lui va checker que tout est bon en termes de copyright, en termes de que tu ne saccages pas le matériel de base, quoi. Alors là, c'est très intéressant. Tu viens de m'apprendre quelque chose. Quand un éditeur en France sort un comics, il doit envoyer toujours une copie aux États-Unis pour vérifier que tout soit conforme et que ça soit bon, quoi. Tu peux pas prendre l'initiative de dire bon, ben c'est vrai et advienne que pourra, quoi. T'es obligé de faire une copie, enfin d'envoyer une copie finie à l'éditeur américain. Alors nous, c'est ce qu'on nous a toujours demandé et c'est ce qu'on a toujours fait, sachant que ça s'est passé comme ça, donc avec IDW, avec Dynamite, avec Dark Horse, avec Image, avec certains auteurs, donc du coup, en leur nom propre, comme Mario Gulli. Et j'en oublie sûrement, il y a que Boom Studio. Voilà. Tous nous ont demandé des validations. Donc, ça va pour certains, juste de la page de crédit, mais c'est de plus en plus rare, juste la page d'intro. Maintenant, ils demandent le bouquin complet. C'est assez intéressant de savoir. Je ne savais pas du tout ça. Bon, au moins, ce soir, je me coucherai moins con. C'est déjà pas mal. Bah, disons que ça retarde un petit peu le processus et ça peut ralentir. Parce que des fois, bon, suivant les validations, ça prend 3 jours. Mais après, ça peut prendre... ils peuvent prendre 2 semaines à valider tout ça. Donc, ça, un exemple qui est super intéressant, c'est celui d'Escape from New York. Donc, l'adaptation de New York 1997, où la validation a été demandée, et quand ils ont validé, Boom Studio a validé, mais Carpenter a validé aussi. Et donc ça, c'était juste génial de se faire valider en fait par John Carpenter, quoi. C'est le kiff, quoi. Oui, ça c'est sûr que le créateur himself te dit bon, ben, ok, ton bouquin il est bon, je te le valide et je garde une copie chez moi. C'est normal. Il y a un petit côté, tu vois, quand tu sais que ton bouquin va, et ça s'est passé comme ça, va en réunion sur Hollywood entre les éditeurs et entre Carpenter, tu te dis j'aimerais bien être une petite souris pour voir un petit peu comment se passe ce genre de réunion. C'est vrai que ça doit être sympa de voir ça comme ça. Réflexion, j'avais acheté il y a quelques années un Dread, mais il existe plusieurs formats parce que je me souviens le Dread est en couverture souple comme Escaping for New York, et tu as un Smart Girl qui est toujours chez Réflexion, si je ne dis pas de bêtises, je touche du bois. Et c'est ton dur. Comment ça se fait que vous aviez décidé de changer d'édition entre le TPB et le hardcover? On n'a pas vraiment décidé, pour être complètement transparent et honnête, on n'a pas vraiment décidé, ça s'est imposé à nous, puisque le marché du souple, petit à petit, commençait à se restreindre. Les libraires en prenaient de moins en moins, puisqu'avec l'arrivée d'éditeurs comme Urban, comme Bliss, comme Delcourt, qui ne font que du cartonné, à la fois les lecteurs ont été habitués à ça, donc voulaient ça. Et les libraires trouvaient que c'était plus chouette de mettre en avant du cartonné qu'un format souple en mode presque kiosque, quoi. Donc du coup, la seule barrière qui restait, c'était au point de vue de l'imprimeur de trouver un juste milieu, à se dire voilà, il faut pas énormément de surcoûts, faut arriver à trouver un deal pour pouvoir faire du cartonné tout en restant à peu près compétitif en termes de prix. Donc, je sais qu'on est parfois un petit peu plus cher que certains gros comme Glénat ou comme Urban, par exemple. Mais c'est du fait qu'on ne sort pas effectivement 25 bouquins par mois et on ne sort pas 10 000 exemplaires à chaque bouquin. Et donc, il y a eu une différence entre Dread et Smart Girl au niveau de la couverture. Mais il y a également une différence qu'il y a chez Réflexion qu'il n'y a pas chez d'autres personnes. C'est la taille du comics qui est quand même un peu plus réduit que chez Bliss. Vous avez à peu près la même taille comme chez Wonga Comics, à peu près, de mémoire. Tout à fait. Et comment ça se fait? Pourquoi réduire la taille du comics? Alors, on a réduit la taille pour une raison qui est ultra simple, qui est qu'on imprime en Europe et beaucoup de pays en Europe ont des machines standardisées. Et le standard maximum du format pour eux, pour un format classique, entre guillemets, c'est 17-24, 17-25 à peu près, donc qui est notre format cartonné extérieur. Au-delà de ça, on passe à un surcoût qui est assez important et qu'on n'était pour le moment pas sûr d'amortir. Ce qu'on étudie, c'est de faire en fait... de sortir certains bouquins en intégralité complète, je pense à Escape, je pense à Smart Girl, sous forme d'un seul volume, beaucoup plus grand, en édition limitée, enfin beaucoup plus grand, pardon, plus grand que ceux qu'on a, mais qui reviennent à une taille urbaine ou autre, ou Panini, je crois, et d'en faire une édition un petit peu plus prestigieuse en forme intégrale. Et ça, c'est quelque chose qu'on étudie pour l'année prochaine. Alors là, j'avais pas pris Smart Girl, mais là, vu ce que tu m'annonces, je pense que je foncerai le prendre. Alors, il m'a toujours tenté ce comics, attention, hein, je dis pas que c'est parce que c'est toi, c'est Réflexion et tout, mais ça m'a toujours tenté, mais j'ai tellement de volumes de mangas, de comics à acheter que je suis toujours à court. Et là, je sens que si tu nous fais ça pour du Smart Girl qui m'a toujours donné envie, je le prendrai sans aucun problème. Alors, sachant que la petite chose que les gens ne savent pas encore et que ce sera peut-être une petite exclue du coup sur le podcast, c'est que là on travaille avec Fernando Danigno, donc qui est l'auteur de Smart Girl. On est en complet partenariat avec lui là-dessus et on a décidé ensemble que si on faisait une édition intégrale plus grand format, non seulement il y aurait des rajouts de pages. Pour un petit peu délayer l'histoire puisqu'il y a un peu de densité sur la fin du deuxième volume, mais il est possible que ce soit aussi une version couleur. Ça veut dire que les deux objets seraient complètement différents. Tu aurais les deux premiers tomes, première édition en format nuance de gris, avec l'histoire telle qu'elle est sortie dans les autres pays pour le moment, donc chez, en Espagne et je ne sais plus, il y en a un autre. Et tu aurais cette intégrale, format un petit peu plus grand, avec des pages en plus et en version colorisée. Ça donne encore plus envie du coup. Alors, 20 ans, tu nous parlais de quelques séries que vous aviez pu avoir, comme Dread, comme Escape to New York ou Smart Girl. Mais si tu dois faire une rétrospective de tout ça, quel est vraiment ce que tu as le plus apprécié à acheter comme droit et à nous sortir en format papier? Ah, j'ai envie de dire presque tous, mais... Je pense que Dredd restera quand même un des personnages emblématiques pour moi d'une grosse période et d'une grosse partie du lectorat comics, hein, puisque étant un gros lecteur de tout ce qui est 2000 AD et de toute la branche britannique du comics, Dredd, ça reste quand même un personnage très très fort. Et me dire, ok, on te confie... une partie donc des rênes pour faire de ce personnage-là quelque chose de sympa en France, c'est un gros pari. Voilà, c'est un gros pari. Après, tout ce que j'ai pu sortir sur le côté, on va dire, pop culture années 80, que ce soit donc Escape, on en parlait tout à l'heure, que ce soit Big Trouble in Little China, qui est toujours du Carpenter, qui est toujours avec Kurt Russell, que j'avais beaucoup aimé, c'est vraiment se replonger des années en arrière et se dire, j'ai été lecteur de ça, je l'ai acheté en VO, où j'ai vu le film quand il est sorti, et j'ai adoré. Et maintenant, je passe de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire je ne suis plus juste lecteur ou spectateur d'un film, mais je crée quelque chose pour les gens. Je leur donne matière à faire quelque chose d'autre avec ces personnages-là ou avec cet univers-là. Et je crois que c'est ce qui est le plus important en fait pour moi dans l'édition. Ce que je dis toujours, c'est chez Réflexion, on sort des bouquins qu'on aime sortir, pour lesquels on a des coups de cœur, qu'on aimerait voir sur notre bibliothèque. Donc tant qu'à imprimer un bouquin, autant en imprimer plusieurs milliers qu'un seul, comme ça plein d'autres gens peuvent les avoir aussi sur leur bibliothèque. Oui, c'est pas faux. Et okay. Alors, tu as la branche Dread américaine, donc tous les comics qu'ils ont sortis chez IDW. Quelle est la grande différence entre ce qu'on peut trouver entre le Dread américain, entre guillemets, hein, bien sûr, et le Dread anglais? Je pense qu'il y a il y a une différence de style graphique, puisque les Anglais ont vraiment un style bien à eux pour ce personnage-là. Honnêtement, moi j'aime beaucoup les deux univers. D'ailleurs, on est deux à sortir du Dread, puisque le Soleil n'en fait plus, donc avec Delirium. Et ce que lui fait, c'est vraiment très très bien, dans la mesure où on est vraiment complémentaire sur le truc. C'est-à-dire que 2000 AD, tout ce qui est anglais, tout ce qui est Rebellion, du coup, il y a un côté très objet de collection, très artistique, créatif, un petit peu plus que sur le IDW, qui est beaucoup plus action, beaucoup plus histoire entre guillemets hollywoodienne, voilà, avec un scénario qui s'étend sur plusieurs volumes. Donc, c'est deux approches un peu différentes. Le nôtre est peut-être plus axé pour un public un tout petit peu plus néophyte, hein, qui te connaît un peu moins le personnage et l'univers, et pour le faire rentrer dedans. Et après, Delirium s'adresse plus effectivement aux fans un peu plus hardcore, un peu plus collectionneurs, avec des objets un peu plus prestigieux. D'accord. Et alors, il me semble que vous allez peut-être essayer de nous sortir du Judge Anderson également. Alors oui, j'ai cru lire ça. Je crois que j'avais lancé le sujet sur Facebook personnellement. Et je crois que j'avais posé ça, et je crois que c'est Laurent de Delirium qui m'avait dit non, mais je crois que Réflexion est sur le coup pour un album sur Anderson. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une mini-série chez IDW, sur le juge Anderson. Donc ça fera partie des hors-séries de la série Dread. La série Dread chez IDW, la première vague fait 7 volumes de la série. Régulière, et à 4 hors-série. sachant que normalement il y en a 5, mais le cinquième étant une pseudo-réédition des juges, des Dark Judges, donc qui sont sortis chez 2000 AD, moi je le laisse du côté de Delirium, puisque je trouve que c'est plus adapté pour lui. Et puis on ne se marche pas comme ça sur les plates-bandes. Donc là on a sorti année 1, on a sort ce mois-ci Mega City 2, et il nous reste donc du coup Judge Anderson et un crossover complètement improbable qui s'appelle Judge Dredd Mars Attacks. Ah oui, c'est vrai, j'avais vu ça une fois quand on visite en Angleterre, j'avais vu ça, j'étais étonné, mais oui, c'est vrai que ça existe. Mars Attacks passe à peu près partout. J'ai vu qu'il y a encore des crossovers qui sortent avec eux là sur d'autres choses, donc c'est assez étonnant, mais ça peut être drôle. C'est sûr. Alors, on a fait la rétrospective, on va continuer un peu à avancer, mais on va quand même un peu parler de ce qui s'est passé sur ces dernières semaines. Le Covid-19, ou la Covid plutôt, maintenant il faut dire. Comment on le vit en tant qu'éditeur? on le subit, on le vit pas super bien au début. on a beaucoup échangé en fait entre éditeurs. On en a parlé avec Bliss, on en a parlé avec Delcourt, on en a parlé avec Delirium, on en a parlé avec Wanga, on en a parlé avec plein de monde comme ça, où c'est une période assez étrange, puisque les librairies sont fermées, étaient fermées, parce que là elles sont rouvertes, donc étaient fermées. Les points de vente étaient fermés, la distribution s'est arrêtée, mais les retours ont continué. Donc il a fallu avoir les reins assez solides pour se dire, voilà, on continue en n'ayant que des retours, sans facturer des libraires qui ne peuvent pas ouvrir, ça ne sert à rien. Mais il faut quand même continuer à préparer l'après et à voir comment ça peut se passer. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de rattraper le retard, parce qu'on avait un gros retard sur les sorties. On avait 3 ou 4 albums qui ont été retardés suite à un manque de temps pour les préparer. Donc on en a profité pour tout rattraper et être prêt à la rentrée pour sortir des nouvelles choses. Là, il s'avère que tout réouvre petit à petit. Les libraires, eux, misent sur le fait que les gens vont partir en vacances en France, donc pas très loin, voire rester. Donc on espère que les gens vont retourner chez les libraires, racheter des bouquins comme avant, et surtout qu'il ne va pas y avoir une espèce de deuxième vague qui va nous obliger à revenir en arrière et repartir soit dans un confinement, soit dans une fermeture de quoi que ce soit. Là, on a passé une grosse épreuve, c'était vraiment un gros test pour savoir si on pouvait tous supporter ça d'un point de vue financier et d'un point de vue activité. Je pense que tout le monde va se serrer les coudes pour s'en sortir. Je remercie les distributeurs, je remercie les libraires et tous les lecteurs, bien sûr, parce que les lecteurs ont dit on ira chercher des bouquins dès qu'ils seront sortis. On en a profité aussi pour commencer à faire un peu de numérique, qui est un autre format, la lecture numérique, mais qui a permis aux gens de trouver des bouquins pendant ce confinement-là, des nouveautés, sans avoir à se déplacer. Donc ça, c'était important aussi. Donc la lecture numérique, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire quelques petites exclus, à faire quelques tests. Ça permettra de tester aussi des livres avant de les imprimer, des licences avant de les sortir. Et puis, je pense que c'est aussi un lectorat complètement différent. Donc voilà, la période confinement, la période Covid nous a permis de rattraper du retard et de tester de nouvelles choses. Donc c'est un mal pour un petit bien quand même. Ouais, donc, oui, c'est vrai que je vais te poser la question sur les lecteurs numériques. Donc oui, clairement, les lecteurs numériques, du coup, vous avez profité pour essayer de tester un peu, voir si ça répondait bien et compagnie. Et vous avez un petit retour ou pas là-dessus? Alors, on a quelques... Sans parler de chiffres après, hein, mais c'est juste... Non, bien sûr. Il y a très longtemps, on avait testé sur certains sites. Je ne nomme pas les sites sur lesquels on a testé parce que je vais faire de la mauvaise publicité parce que ce n'était pas très probant. On avait beaucoup de soucis de suivi avec eux, de relationnel, on n'était pas tenu au courant, on n'était pas payé sur les bouquins. Enfin, c'était une vraie galère. Donc, je m'étais un petit peu J'ai mis, on avait tous mis un petit peu les Ola sur la lecture numérique. Et depuis quelques temps, se sont montées des structures qui sont vraiment, vraiment super bien, vraiment dynamiques. Il y en a une, en l'occurrence, avec laquelle on est en train de faire des choses, qui s'appelle BD, B-A-Y-D-A-Y, qui est une structure française, donc du coup, qui au départ est prévue pour les auteurs eux-mêmes, et qui, par extension, s'est ouvert aux maisons d'édition. Donc c'est plutôt, plutôt sympa. Et après, il y a plein d'autres possibilités de structure, mais on va y aller doucement avec la lecture numérique parce qu'on veut effectivement sortir des trucs chouettes